On va commencer la séance. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici. Donc, c'est une dans le cadre du séminaire Le Document Sonore, qui est un séminaire qui est organisé par le LLL en collaboration avec le département audiovisuel de la BNF. Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Guillaume Boutard de la faculté de musique de l'Université de Montréal et également du CERMIT, donc centre de recherche interdisciplinaire en musique, médias et technologies, toujours à Montréal, qui va nous parler de la question de la préservation des musiques mixtes et de la place du document sonore dans ces problématiques. Guillaume, je te laisse. Merci. Oui, du document sonore et plus général des traces de l'activité. Je suis Guillaume Boutard. Je suis actuellement à la faculté de musique de l'Université de Montréal, mais mes problématiques en général viennent plus des sciences de l'information que de la recherche musicale, mais appliquées à cette question de la préservation des musiques mixtes. Est-ce que je sais que c'est pas amplifié, alors est-ce que ça va pour tout le monde? Okay. D'accord. Et donc, par rapport à ce colloque, ce qui nous intéressait, c'était un peu de parler de la relation avec le document sonore. Donc, je vous fais présenter un peu le plan très rapidement. Je vais faire une. Je pense que les profils sont assez variés dans l'assistance, donc je vais faire une présentation très succincte de la musique mixte, vraiment très succincte. Je parlerai de la problématique du document sonore dans ce cadre de la préservation des œuvres. Je parlerai de différents principes qui régissent un peu les stratégies de préservation. Et ensuite, j'arriverai plus vers les projets de recherche en cours et finis qui concernent le document sonore et traces de l'activité comme médiation dans les processus de documentation. Après, je ferai un peu une boucle pour revenir vers les sciences de l'information et les modèles de préservation des documents numériques. Et ce qui nous amènera vers les projets futurs. Donc, présentation de la musique mixte. Qu'est-ce que la musique mixte? Eh bien, très simplement, une combinaison de musique instrumentale et de musique électroacoustique, c'est-à-dire diffusée à travers un système de haut-parleurs. Cette partie électroacoustique pouvant être une bande, des transformations en temps réel ou de la synthèse sonore. Ici, dans cette photo, on a affaire à des transformations en temps réel puisque c'est une photo prise pendant une production récente, 2008-2009, si je ne me souviens pas, d'une pièce classique du répertoire qui est Mantra de Stockhausen, créée en 70. Ce qui est doublement intéressant ici, c'est que le traitement sonore d'origine, qui était bien sûr une version analogique, le fameux modulateur nano, a été migré vers une version numérique, qu'on voit sur cet écran brillant devant. Donc si je vous ai mis cette photo, c'est qu'on y voit assez distinctement une partie non négligeable des agents humains et technologiques impliqués dans sa production. C'est tout d'abord cette partie qui fait couler le plus d'encre en matière de préservation, la partie logicielle en charge du traitement sonore. Mais c'est aussi tout un setup matériel comprenant console, microphone, haut-parleur, etc. Ce sont bien sûr des instruments acoustiques, ici les pianos. Ce sont des agents, pardon, je vais avoir des entrées bizarres sur ton enregistrement sonore. Ce sont des agents humains tels que interprètes, compositeurs, réalisateurs en informatique musicale, ingénieurs du son, etc. C'est bien sûr une partition et enfin une salle avec une acoustique. Donc, à ce moment, quels sont les problèmes qui se posent pour la pérennité du répertoire? Eh bien, ce sont un peu des remises en cause des dimensions historiques de la transmission du répertoire musical. C'est tout d'abord le problème de définir une notation électronique prescriptive, ce qui implique une pratique instrumentale de l'interprétation électronique qui soit enseignée. Le troisième point qui n'est pas des moindres, puisque dans un certain sens, c'est l'agent principal qui empêche la convergence et la stabilisation des deux autres, qui est la question du développement des organologies numériques spécifiques aux œuvres, c'est-à-dire ces logiciels que je vous ai montrés et leur obsolescence rapide dans le cadre du numérique. Problématique bien connue ici à la BNF. Il me fallait poser cette prémisse pour parler maintenant de la place du document sonore. Et afin de parler du document sonore, je vais dès à présent mettre en avant les objectifs de la pérennisation du répertoire en rapport à ce que je viens de présenter. Donc ça, c'est très bien résumé par deux auteurs classiques qui ont beaucoup écrit sur les questions de préservation, Bernardini et Vidolin. Donc je vais traduire et résumer cette citation. Le but de la préservation de ces musiques est la possibilité de préserver non pas une interprétation ou une performance, c'est-à-dire un enregistrement sonore de la performance, mais la possibilité même d'interpréter ce répertoire. Et vous me direz, ça n'est pas spécifique à la musique mixte, c'est lié au principe de performance, donc à tout ce que Goodman appelait les arts allographiques. Et d'ailleurs, c'est un point qu'on retrouve dans de nombreux domaines. En restant dans le milieu musical, on peut par exemple citer ce livre récent de David Grubbs sur la musique expérimentale des années 60 et l'improvisation libre, de façon très à propos, Records Ruin the Landscape, en référence à Cage, qui nous pose ces questions qui ne sont pas d'une grande nouveauté. La deuxième partie étant à la rigueur plus intéressante, puisqu'il nous dit qu'est-ce que ça veut dire de connaître une période à travers les enregistrements que les compositeurs et musiciens dédaignaient largement. C'est intéressant parce qu'il fait ce lien entre les acteurs et leurs traces. Et donc on pourrait fournir des exemples comme ça dans différents domaines artistiques. Ce que je voulais, c'est faire le lien avec les sciences de l'information un peu, avec cette citation de Ronald Day qui nous disait ceci: Live performance art cannot be preserved as such. Recordings of such events constitute new and different events whose meaning cannot be reduced to the first, particularly when the artworks intends to make manifest or otherwise critique the representational status of such types of recordings. Ce qui donc se lie très bien à la citation précédente. Donc je pense que les gens issus de la bibliothéconomie dans la salle feront sans doute le lien avec le modèle FRBR, qui lui n'est pas conceptualisé pour la question de la performance ou de l'interprétation, même si récemment il y a eu des tentatives dans cette direction. Donc, là, on a parlé du document sonore en tant qu'enregistrement de la performance, donc enregistrement comme représentation d'une œuvre. Mais cette question du document sonore, elle est multiple dans sa granularité, parce que le document sonore a été envisagé dans la littérature à d'autres niveaux qui, eux, sont beaucoup plus spécifiques au répertoire en question. Et là, on va revenir à une citation de Bernardini et Vidolin qui nous propose comme principe de préservation que chaque objet, quand il parle d'objet, il parle de ce logiciel implémentant le traitement sonore qu'on a vu dans la photo, que chaque objet donc soit assorti d'une description algorithmique, donc les principes mathématiques formalisés des transformations sonores, une réponse impulsionnelle et un exemple audio. Et donc ça, c'est ce premier paradigme du document sonore comme preuve. Et dans cette citation, on voit bien la position épistémologique sous-jacente de l'outil technique porteur de son sens, qu'on peut décontextualiser et plus radicalement ici encore réduire à la logique formelle. Et donc je ne veux pas réduire la pensée de Bernardini et Vidolin parce qu'elle est plus complexe que ça et que les propositions que j'ai pu faire convergent sur pas mal de points avec leur vision de la préservation. Mais il reste que ceci spécifiquement est une position très représentée dans le domaine de la préservation de ces objets. Et c'est d'ailleurs aussi fondamentalement la même position épistémologique qu'on retrouve dans les modèles de préservation tels que l'OIS, qui sont directement fondés sur les modèles Data Information Knowledge et une approche représentationnelle. Donc, ici, on est à une granularité intéressante qu'on retrouve aussi dans les discours dans les sciences de l'information, surtout sur les principes de compositionnalité du sens. Si on prend cette citation, par exemple, de Luciana Duranti et Kenneth Thibodeau, qui nous disent « A work of digital music can only be reproduced if the author describes each digital, intellectual and performing component of it and the interactions among them by producing a set of instructions for recreating each part of the piece and the piece as a whole. » Donc, comme toute approche du problème, elle a ses postulats qui font ses forces et ses faiblesses. C'est pour ça que moi, ce que j'ai développé, c'est plus une approche pragmatique appuyée sur des méthodes mixtes sur lesquelles je reviendrai en fin de présentation. Donc, si on est à côté de ce paradigme de document comme preuve, ce que je voudrais un petit peu amener, c'est le document comme médiation. Pour ça, on va parler un petit peu du travail créateur, dont Menger rappelait les particularités, notamment que le résultat n'est pas défini a priori. Et donc, cette documentation du processus créateur en devient d'autant plus importante pour la transmission de l'intelligibilité de l'œuvre. Donc, par exemple, Menger nous rappelait que l'élaboration d'une œuvre procède toujours à chaque étape d'une multitude de choix et de décisions. Pour mettre ça en exemple, je vais passer deux petits extraits vidéo issus du projet DeepCore que j'ai monté avec Fabrice Marandola de l'ensemble de percussions Sixstrum et directeur artistique du Kermit. Alors la première, si j'arrive à accéder, correspond à une vidéo qui a été enregistrée pendant les répétitions de la production d'un concert organisé par le Kermit. Ce que vous allez voir dans la vidéo, c'est une discussion entre le compositeur Robert Normando et un des percussionnistes de l'ensemble Sixstrum, Julien Compagne. Ok, donc là, il était question effectivement du déclenchement des séquences bandes par un des percussionnistes. Je vais passer un autre exemple dans un contexte différent, là où on est sur des entrevues réalisées avec un compositeur. Donc là, c'est Serge Provost qui va nous commenter les documents qu'il a produits pendant la création de son œuvre. Alors, une fois installé ce dont on parlait il y a un moment, l'instrumentation, cette pièce qui cite le fameux ciment, on peut voir. La façon aussi, il s'agit de négocier ça beaucoup. C'était plusieurs schémas, que je me dise, bon, les percussions ici, l'interrupteur en avant, l'éclair ici pour faire l'instrumentiste, les tampons de bois comme ceci, comme cela, pour créer cet espace imaginaire que j'entendais de la musique spatialisée déjà dans ma tête en écrivant. Voilà, j'aime bien le côté « j'ai négocié », « négocié avec moi-même ». Donc voilà, ce projet DeepCore, donc que je vais expliquer plus en détail ensuite, reposait sur ce principe comme quoi documentation des processus de création, dissémination des œuvres et préservation du répertoire sont fondamentalement liés à travers cette question de l'intelligibilité. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, mais disons que c'était une implémentation partielle du modèle que je présenterai à la fin. Donc si, pour résumer et aller vers les questions de méthodo et la place du document, notamment sonore, trace d'activité, voilà, on peut présenter ces problématiques de préservation de plusieurs façons. Ça, c'est une première façon de la présenter, en montrant à gauche une approche que j'ai qualifiée technologique, axée principalement autour de l'informatique, de la représentation symbolique, voire la logique formelle, qui peut être celle de l'ingénierie des connaissances, et finalement, qui est celle des modèles de préservation tels que l'OIS. À droite, une approche que je qualifie par défaut de sociologique, qui replace l'outil technique dans un processus de production, qui se réfère à l'idiosyncrasie de chaque processus créateur, et aux interactions entre agents, qu'ils soient humains ou technologiques. Et ça, on peut aussi le rapporter un peu à la distinction que faisait Aignon entre transmission directe par les choses, ce qu'il qualifie de reproduction archéologique discontinue et authentique mais morte, ou transmission par la pratique sujette à une trahison continue mais vivante. Une autre façon de présenter cette problématique, c'est en montrant les principes gouvernant les questions de l'intelligibilité, la dissémination et la gestion et leurs relations respectives. Ce qui va m'intéresser ici tout d'abord, c'est plutôt cette première question à travers d'une part la notation et d'autre part la documentation. Et si l'on prenait chacune de ces notions, on pourrait créer un réseau de relations différents avec les autres principes. Documentation impliquant dépôt numérique, notation impliquant pédagogie, etc. J'y reviendrai plus dans la présentation des perspectives. Si on combine un peu ces deux vues, on peut faire un schéma à peu près comme celui-là, hein, qui a les limites d'un schéma, bien sûr. Ces deux axes de préservation que sont d'un côté la notation et d'autre la documentation, que je ne mets pas en opposition stricte, qui sont complémentaires, reposent chacun sur des systèmes de contraintes différents, mais qui doivent pourtant être efficaces. Dans le premier cas, la notation implique tout un système de stabilisation des outils, de la notation elle-même et de la pratique. Dans le deuxième cas, on commence à s'intéresser au processus créatif comme support d'intelligibilité des œuvres, que ce soit dans l'optique de la production des œuvres et de leur diffusion, ou de la migration des systèmes technologiques. Les contraintes sont ici méthodologiques et la quantité de cadres méthodologiques qui peuvent être définis est assez infinie. J'ai ici pris trois cadres qui correspondent à des approches qualitatives qui ont, pour certaines, déjà été associées à la recherche musicale et que l'on retrouve associées dans la littérature. Dans ces trois approches, la collecte de données est gouvernée par des principes différents qui la cadrent et garantissent la qualité des données, si on peut dire. Dans le premier cas, c'est le chercheur qui va guider la collecte de données pour obtenir une verbalisation de l'activité. C'est l'approche bien connue des entretiens d'explicitation de Pierre Vermersch, qui a déjà fait quelques études dans le cas musical. Les deux autres, par contre, qui nous intéressent plus dans le cadre du colloque ici et de mes projets, sont plus fondamentalement liés aux traces de l'activité. Et c'est en ça que moi, j'ai essayé de les réutiliser, enfin moi et d'autres personnes, les réutiliser dans un contexte de recherche et de préservation. Donc dans le premier cas, et c'est aussi parce qu'on est dans un contexte où on peut avoir accès à telles traces sonores, vidéo, textuelles. Dans le premier cas, le cadre est fixé par les traces et le dialogue s'établit avec le chercheur. C'est le type de dispositif qu'on a vu précédemment avec Serge Provost. Et dans le cadre du retour sur ses documents de travail, etc., qu'on a utilisé aussi dans les projets DeepCore. C'est l'approche conceptualisée par Jacques Thoreau en ergonomie et utilisée dans le domaine musical en collaboration avec Nicolas Donin à l'IRCAM. Donc, je vais vous passer un autre petit extrait où cette fois-ci c'est le compositeur Laurie Radford qui commente l'évolution de son logiciel de traitement sonore depuis un atelier qui a précédé de quelques mois la production du concert de création. Et donc, dans la vidéo qu'on lui a représentée, on voyait ce logiciel en l'état, et vous allez voir sur l'écran de droite devant lui le logiciel tel que utilisé au niveau du concert. Yeah, from the workshop, basically I arrived at the workshop with a skeletal version of the menu of effects that I hope to use based on numerous modules that I already had in existence. And then after the workshop experience, there were obviously a need for more variety, adjustments to the ones I already had, but also there's a number of, for instance, audio files. I didn't have any predetermined audio files at all. And in fact, that was really only a minor part of the concept to begin with. But then, as I started to write the piece and started to delve into how to use the text, not only for the vocalists, but maybe in some other way, there was a whole other concept arose of using whispered words at the beginning of the ending of the piece in French and English to augment the sense and poetry of that component. And so I had to add an audio file section that would manage audio files that come in. There's a couple of drones that come in different places, which was really an orchestrational decision that I just wanted a certain frequency at a certain point, a static sound that the instruments couldn't provide. And so I added that component. There's a triggered ring modulation patch because I realized that some of the very hard hits from drums and cymbals, etc., are perfect because they ramp up immediately to a very high gain, and of course those are perfect for triggering immediately particular events, and so that was used for triggering certain events for the audio, but also it feeds into the video component as well, and it's used as a trigger for vous avez choisi aussi cet angle de caméra parce qu'on voit bien le dispositif de collecte de données. Donc dans la dernière, par contre, c'est par la confrontation croisée entre experts que les verbalisations sont récoltées. Donc c'est l'approche de Yves Clos en psychologie du travail. Et c'est l'approche qui a principalement guidé les projets dont je vais parler maintenant. Je ne vais pas rentrer dans les raisons du choix, dont je parle dans plusieurs papiers, mais on pourra éventuellement y revenir. Mais c'est un choix qui fait un sens dans le contexte où la problématique vient des sciences de l'information et non pas de la musicologie, comme c'est le cas des études de l'IRCAM. Donc je vais vous passer un autre extrait, et il faut voir que là on est aussi dans un contexte multi-expertise, ce qui pose quelques problèmes méthodologiques par rapport aux méthodes de Yves Clos telles qu'elles sont décrites par lui. Donc dans cette vidéo-là, vous allez voir encore le compositeur Laurie Radford en discussion avec l'ingénieur du son, Poreg Botnashianer, sur le dispositif, et ce qui est il y a plusieurs choses intéressantes dans l'extrait, mais notamment ce qui émerge à la fin. So because it was such a huge setup, and if you let it get too big, I think it would get sort of out of control. So it was great to have that workshop where we were able to find out what works, find out what's needed, and I think the players were useful in that sense because they kept reminding us about the logistics of microphones hanging in their space for the playing, which is always the issue, but also the fact that they want it to be a production that perhaps can tour or go elsewhere. Right. And so it was always even in terms of their setup, there was a lot of discussion in terms of what instruments went where, mm-hmm. so that the three pieces could flow one from the other like a show, yeah. without too much movement, and that it was manageable in some way for taking on the road. Yeah, because originally, was it in the workshop? I remember, I think, between the three pieces, the musicians and the composers had discussed moving the setup completely, and I think, mm-hmm. if I'm not mistaken, we ended up just kind of finding space for everybody and leaving it, right? So yeah. There wasn't so much movement. There was almost because no movement. It was just with microphone cables on the floor, with yeah. all the various instruments and instrument stands, mm-hmm. The time it would have taken to do it, and then to do it properly and put everything where it should be, and, mm-hmm. and then have microphones the same distances from the instruments so that you got the same the right levels. Nightmare. It would have been a nightmare. So I think it was great to, you know, kind of be able to I changed my the positioning of the instruments and the after the workshop. Yeah, but during the workshop, okay. because the decision we made in order for it to be efficient meant that I had to change where certain instruments were. Right. So it actually ended up being the reverse. Instead of 1, 2, 3, 4, 5, 6, ended up being 1, 2, 3, 4, 5, 6. and at first, because it was in the workshop and the piece wasn't finished, I could then go back and reorient how I was going to write the piece and how I was going to capture it in order to not compromise on the concept. C'est un extrait qui est pas mal aussi parce qu'on voit bien l'interaction avec les documents. C'est aussi par la présentation de ce document qu'il a pu se remémorer ce passage de l'activité. Donc, ce que je voulais dire, c'est que, effectivement, si j'ai séparé notation et documentation, c'est pour les principes de présentation, hein, que ce ne sont pas des questions complètement discontinues. Les projets dont je reparlerai un peu au futur, avec l'UDEM et le laboratoire LITEM, visent aussi à combiner ces deux approches. Alors, je voudrais maintenant qu'on passe plus pratiquement aux projets, aux deux projets en lien avec ces questions. Tout d'abord, ce projet DeepCore, dont vous avez vu quelques extraits déjà, monté avec Fabrice Morandola, autour de la création de trois œuvres mixtes par les compositeurs donc Serge Provost, Robert Normando et Laurie Radford. Vous avez vu quelques extraits avec chacun des compositeurs ici. Donc, on avait récolté des traces vidéo des répétitions et toute une série d'entrevues. On a aussi récolté les logiciels de traitement du signal développés, les logiciels développés aussi pour la composition assistée par ordinateur, des partitions, documents de travail, etc. Et je vous présenterai la méthodologie par la suite. Pour le deuxième projet, qui a été réalisé en post-doctorat donc à la faculté de musique, j'ai commandé 4 études de musique mixte d'environ d'entre 1 à 3 minutes à 4 compositeurs, soit professionnels, soit en doctorat de composition. On avait une œuvre commune à Analia Chougda, à Cédric Camier pour saxophone, une de Sylvain Pohu pour vibraphone, une de Emmanuel Fier pour piano, et une de Brice Gatinet pour contrebasse. J'ai commandé deux études sur le contrôle gestuel de l'électronique et deux études sur l'instrument augmenté, dans le sens électronique comme extension du son instrumental. Les deux premières visaient à questionner l'appropriation de l'électronique en relation avec le geste, et les deux dernières, l'appropriation de l'électronique en relation avec le timbre. Les compositeurs, donc on a réalisé un concert de ces œuvres dans la salle du MMR du Kermit, qui est une salle dédiée au concert avec un dispositif électroacoustique, ça pour respecter une certaine validité écologique de la collecte de données. Le concert était suivi d'une table ronde avec les compositeurs, les interprètes et les intervenants extérieurs autour de la question de la notation, puisque j'avais demandé aussi expressément qu'il y ait une notation de l'électronique dans la partition et que la pièce soit répétée au moins une fois avec l'électronique en amont du concert. Donc chaque étude était jouée une fois par chacun des deux instrumentistes devant un public et enregistré audio vidéo. Je vais passer deux petits extraits de la pièce de Sylvain Pohu, jouée par deux percussionnistes de l'ensemble Sixstrum, Chrissy Ibrahim et João Catalão. Donc, si on revient maintenant au premier projet, la méthode visée à mettre en pratique donc ces outils méthodologiques fournis par Claude et différents auteurs, et dans un cadre multi-expertise comme celui-là, je me suis particulièrement intéressé au travail de Lorino Tricard en collaboration avec Claude, avec l'idée donc de mettre en évidence ce que Claude appelle l'épaisseur de l'activité, et ce que nous résume ici Chloé Faïta, ce qui ne s'est pas fait, ce qu'on voudrait faire, ce qu'il faudrait faire, ce qu'on aurait pu faire, ce qui est à refaire, et même ce qu'on fait sans vouloir le faire. Donc pour cela, les étapes étaient d'abord capture audio et vidéo du travail de répétition, comme vous avez pu le voir dans quelques extraits, avec les différents acteurs de la production. À ça s'ajoutait l'enregistrement d'un atelier en décembre 2012, et dont je peux vous passer un petit extrait ici en anglais. Toujours, j'ai quelques extraits en anglais. Où Laurie Radford expliquait son concept de spatialisation en relation aussi avec la spatialisation selon les autres compositeurs. Il est un petit peu plus long, mais il est très clair, par contre. According to the, for the spatial aspect of the piece, unlike Robert, who doesn't want the instruments out there, and has taken one approach of immersion or fusion of source or point source, so that the electroacoustic component is emerging from the same space in a proscenium fashion, the same way as the instrumentalist and the vocalists. I've taken an approach which I've used a number of times, in which a fundamental sort of paradigm of live electronics is this idea of extending the instrument, you know, extending its pitch range, extending its timbral palette. In this case, it's extending the spatial entity or placement of the instrument. So a lot of the piece instrumentally is written and orchestrated in a very symmetrical fashion. So as you can see, with three on each side, they each have six instruments. You have marimba, marimba, vibes, vibes. You have four timpani. You have groups of metals. And the different sections of the piece, of which there are respectively eight, at least until this point, are somewhat study-like in concentrating on either keyboard, pitch material, either metal, gong, cymbal materials, wood, and then sort of a scattered combination of iterative, highly non-decaying, that's not the way you said that, instruments with no decay, claves and things with a very, very short decay. And so this symmetrical writing in which there's various kinds of interplay, left and right, and forward and back, and sometimes in terms of angles, is also reflected in another space. And so you have a kind of virtual mirroring of the actual instruments in a eight eight voices around the auditors. And so the auditor has access, you know, potentially to two different spaces, the space of the actual originating sounds from the players and the singers, and then this other space that surrounds them and immerses them with captured materials, a lot of captured sounds that are then transformed and diffused in various configurations and trajectories in this cube, or in the space, granulated, some live transformations as well, so that you not only have two different spaces, but that you then sort of have a large, extended single space. So rather than Robert's single space over here, or Serge's sort of transecting two spaces, I try to make two spaces that hopefully have some sort of dialogue between the physical source of the players and this sort of emanation or virtual reflection of that. Donc voilà. Donc si je reprends ça quantitativement, ce qui a été collecté pendant toutes ces séances, c'est, comme vous voyez ici, un peu plus de 2 heures de vidéo dans l'atelier, 9 heures pendant les répétitions à Montréal et plus de 7 heures aux répétitions McGill. Et là-dessus, évidemment, tous les autres documents relatifs à la production. Donc, l'étape suivante était la segmentation et présélection suivant des cadres conceptuels fournis par plusieurs études précédentes basées sur la théorisation ancrée. Je vais vous montrer comme exemple un type de document qui aura servi pour classifier les extraits sonores que vous voyez. La liste à gauche de tous les segments, colonne suivante qui correspond à la phase suivante de dont je parlerai après, qui est de sélection à l'intérieur de ce corpus de ce qui allait être utilisé, et donc classification à travers ces cadres conceptuels fournis a priori, mais qui reste ancré dans des analyses de production. Okay. Donc, comme je le disais, la sélection ensuite a été de prendre des décisions en réunissant un panel d'experts à qui on a soumis les extraits vidéo, et pour choisir ceux qui avaient un intérêt documentaire, et un comme médiation, pour constituer la phase d'ensuite, qui était la réalisation des entrevues. Donc avec soit des confrontations simples, soit des confrontations croisées, en fonction des objectifs des entrevues. Donc c'est pareil, c'est un intérêt que limité, mais si je prends ce document, ici, on a changé de type de visualisation, vous n'avez plus... Il faut donc que je... Ouais, ça ne va pas être très, très facile comme ça. Mais donc qui permettait de définir les entrevues, les participants et les documents à utiliser pendant les entrevues. Ok. Espérons que ça va marcher. Ça va. Ouais. Bon, excusez-moi, un petit problème technique indépendant de ma volonté. Donc après cette phase de réalisation des entrevues, suivait une phase de mise en forme. Bon, ça c'est données quantitatives. On a à peu près 3 heures d'entrevue avec Serge Provost. Une heure, un peu moins d'une heure avec Robert Normando et un peu plus d'une heure avec Laurie Radford. Que ça soit dans le contexte avec juste le compositeur ou avec un autre expert d'un domaine adjacent. Suivait ensuite mise en forme, sélection et production de métadonnées de préservation par rapport à ces documents pour en fait réaliser en fait un DVD qui sera disséminé. Donc sur le DVD au final, on a à peu près une heure de documents. Ça c'est juste pour les documents vidéo, pas tout ce qui est patch, documents de travail, etc. Donc à peu près une heure d'entrevue et d'observation avec Serge Provost, un peu plus d'une demi-heure avec Laurie Radford et pareil pour Robert Normando. Donc, ce qu'on obtient, c'est tout un réseau de documents audiovisuels issus des entrevues à travers la médiation de documents préalablement récoltés. Donc c'est vraiment un réseau de médiation dont le but est finalement de continuer à croître avec chaque nouvelle interprétation à laquelle s'ajoutera un processus de documentation établi sur des principes similaires. Donc ce que je voudrais vous passer maintenant, c'est quelques extraits supplémentaires par rapport à cette question d'épaisseur de l'activité en montrant déjà donc, ce qui a été fait. Donc là, je vais vous passer deux petits extraits concordants, convergents, qui mettent en scène d'un côté Laurie Radford et de l'autre Serge Provost, et les deux sur l'historicité du patch. Things that work and don't work, and you know, some of these patches have been with me for 10 years, yeah. Or some of these sub-patches. And they get adjusted a little bit in terms of their parameters, in terms of how many signals are coming in and how many signals are going out. Sometimes, for instance, with the pitch shifter, I had the same pitch shifter for a number of years, and then I started disliking the sound or the quality of the pitch shifter, so then I rebuilt it with a slightly different configuration. So it's like pitch shifter version 2. So it's an evolution, and I think that's kind of it's interesting in terms of and not that different than the kinds of tools that a painter or a sculptor or a video artist etc. would use. You don't start from zero. It's not tabula rasa every time. You start from your knowledge of the percussion instruments, your knowledge of text and how people sing, your knowledge of how etc. Et il y a des outils de ce page qui existaient déjà dans d'autres pages pour d'autres œuvres et que j'ai récupéré. Par exemple, ici, il y a un système de délai, d'harmonisation microtonale qu'on va retrouver, par exemple, à l'intérieur du patch ici. Donc, ce sont des outils qui font partie de ma boîte à outils où je vais, par exemple, reprendre tel élément et les rebrancher ensemble afin de faire un réseau. Donc voilà, c'est assez intéressant, sachant que effectivement ce ne sont pas des compositeurs qui travaillent avec des réalisateurs en informatique musicale, donc ils sont leurs propres développeurs de logiciels, et donc d'où cette histoire du patch à travers leurs œuvres. Autre exemple, cette fois-ci en confrontation croisée, sur la disposition, où on va voir aussi cette interaction avec les documents fournis, où on a le compositeur Robert Normando à droite et Fabrice Marandola de l'ensemble Sixstrum à gauche, parler de la disposition entre haut-parleur et instrumentiste. La spatialisation des instruments. Mais peut-être par rapport à la public, ça. Parce que si tu regardes hein, sur les images, il y a quand même du monde, il y a la place de chaque côté. Ouais. Et au début, on voyait cet espace-là. C'était jusqu'au. Mais en même temps, du coup, on avait beaucoup plus l'aile gauche et l'aile droite, donc l'effet stéréo qui a été utilisé d'ailleurs par. Un peu partout. Mais tout soit plus utilisé. Voilà, toujours dans cette histoire des choix, des faits pendant la production, des modifications. Ce que je voudrais maintenant montrer, c'est, si j'y arrive, aussi au-delà de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui aurait pu être fait. Donc, ce qui n'a pas été fait, vous en avez eu un exemple tout à l'heure avec Laurie Radford, avec ce schéma de disposition. Je vais montrer un exemple de ce qui aurait pu être fait à travers un exemple où Robert Normando, le compositeur, discute avec la chanteuse Marie-Annick Béliveau. Et c'est particulièrement intéressant parce que ça concerne aussi l'utilisation de documents sonores comme référence. Ce qui nous ramène un peu au début de la présentation. Parce qu'il faut bien dire une chose qui est assez particulière à propos de la pièce Baobab de Robert Normando, c'est que c'est une transcription d'une pièce purement électroacoustique pour une pièce mixte. Et dans d'autres entrevues, on verra, qui avait pour concept au début de vouloir envoyer les consonnes aux percussions et les voyelles aux chanteurs. Et ça aussi a évolué en cours de réalisation par rapport à ce qui était faisable. Et donc, il y a aussi... l'extrait est aussi intéressant parce que Robert parle de tout ce travail de dénotation à travers les onomatopées. On va voir ça immédiatement. C'est vrai qu'il y a le travail de la projection de soi dans les onomatopées. En fait. Oui. Si on avait eu plus de temps, je vous aurais indiqué probablement plus de pistes en disant mais voilà, ça c'est un chat, ça c'est ceci, ça c'est cela. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de métaphores. En fait, mais c'est vrai qu'en les pistes audio, elle est beaucoup. Ouais. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de caractères. Ouais. Tu sais. Ouais. Beaucoup de, c'était très interprété. Puis je trouve dans le Renard et la Roue, on entend davantage. Ouais. Parce qu'avec tout le. Le Renard et la Rose étant la pièce électroacoustique d'origine. Et là, ce qui est doublement intéressant, parce que justement, elle nous dit que finalement, ce qui l'a aidé le plus, c'était l'enregistrement de la pièce, plus que les échantillons sonores qui avaient été fournis par Robert Normando. Je résiste pas à vous passer un autre petit extrait qui est toujours à propos de ces documents sonores et qui est sur l'origine de certains échantillons sonores. Mais en fait, le rire d'origine, la voix, le rire d'origine qui commence le Renard et la Rose, c'est l'animatrice de Radio Monogé. Donc, c'est une animatrice qui a un rire absolument communicatif et génial. Puis c'est arrivé très souvent quand on faisait les prises de son, parce que les prises de son qu'on a fait pour l'adaptation du titre, ça va être là. Et quand ils faisaient les onomatopées, les comédiens ou les animateurs, tous ceux qui participaient à l'enregistrement, ils partaient dans des écrivains gigantissimes, il y a des onomatopées qui sont venus sur la grève. Et puis tous ces rires-là ont été mis à contribution. Voilà. J'aurais pu, oui. Je ne les ai pas ici, mais je pourrais les mettre sur le site. Là, je ne suis pas sûr que j'aurai le droit. Ok, je voudrais passer maintenant au deuxième projet. J'ai perdu mon chronomètre, donc je ne sais. Ok. Ok. Très bien, parfait. Donc, projet que j'avais commencé à vous présenter, donc, vous avez vu deux exemples de performance par deux percussionnistes. Donc, je rappelle qu'on avait quatre œuvres jouées en concert par deux instrumentistes différents. Donc, et là, par contre, ce projet, c'était vraiment dans une situation mono-expertise, donc plus ancrée dans les méthodologies décrites par Claude. Mais appliqué donc à un contexte de pratique instrumentale augmentée, de contexte de musique mixte. Donc le projet avait plusieurs objectifs en fonction des domaines visés, mais qui restent tout de même fondamentalement liés. toujours placé autour du document sonore comme médiation sonore, mais aussi visuelle selon les objets visés, comme on va le voir. C'était tout d'abord au niveau préservation et conservation du patrimoine culturel numérique, spécifiquement dans le contexte des arts de la performance, au sens large du terme, avec les problématiques que j'ai présentées au tout début, organologie idiosyncratique et obsolescence. C'était donc d'abord de développer des méthodes adéquates qui permettent de placer l'expertise, donc la reconnaissance du savoir des acteurs et leur capacité à l'exprimer, à critiquer, au centre des pratiques documentaires, avec toujours cette idée fondamentale du lien entre documentation, dissémination et préservation. Et c'était ensuite, au niveau plus de la recherche musicale, de questionner l'appropriation de l'électronique par les interprètes à travers les notions de geste et de timbre. Donc, étendre l'importante littérature qualitative déjà sur le timbre à l'instrument augmenté, et plus précisément, comment elle s'articule autour d'un objet qui est l'œuvre mixte et l'instrument augmenté, où la notion de timbre n'a pas forcément de sens. Si on suit, par exemple, Michel Castéango et Daniel Dubois, qui nous disent « L'usage courant du timbre en musique, qui, on l'a vu, relève alternativement de l'un des deux aspects perceptifs, identité et qualité, implique que l'expertise de qualification s'applique à des types de sons pour lesquels une expérience auditive antérieure a été longuement développée. Entre autres termes, une qualification de source sonore ne prend sens et ne peut se développer de façon subtile que pour un type d'instrument donné. » De traversière, guitare, etc. L'autre point était d'intégrer les questions d'interaction homme-machine autour du geste instrumental. Et dans les deux cas, méthodologiquement, c'était de prendre en compte cette co-construction des objets en suivant notamment ce que nous décrivent ici encore Daniel Dubois et Lorenza Mondada. Catégories objets de discours sont marqués par une instabilité constitutive observable à travers des opérations cognitives ancrées dans des pratiques, des activités verbales et non-verbales, des négociations dans l'interaction. Donc c'est aussi ce qui a dirigé notre approche méthodologique dont la collecte était organisée autour des autoconfrontations croisées, qui a ensuite un rôle à jouer dans les pratiques documentaires, et dont l'implémentation reste à définir au sein des plateformes de préservation et de dissémination. Donc, le dispositif était celui que voici. Donc, avec vraiment, non pas le but de généraliser ce que c'est que le travail d'interprétation des œuvres mixtes, mais de montrer ce travail qui se manifeste différemment pour chaque performance, pour chaque œuvre, et de montrer en quoi ce type de méthode fait ressortir ce travail. Donc c'était un dispositif constitué de confrontations simples de chaque instrumentiste avec l'enregistrement de sa performance, puis confrontations croisées avec les deux instrumentistes pour chaque performance. Je vais vous passer des extraits des confrontations pour deux œuvres, peut-être trois, on verra. Une sur le geste, l'autre sur le timbre, et on verra que ces deux questions ne sont pas isolées l'une de l'autre, bien sûr. Donc pour le geste, la tâche qui était assignée était donc de décrire le geste en rapport avec la production de son électronique. Ici, on a deux percussionnistes de l'ensemble Sixstrum, Chrissy Ibrahim et Joao Tecatalo, que vous avez vu précédemment, qui ont travaillé la pièce indépendamment, mais avec le compositeur Sylvain Pohu. Donc pour le contexte, comme vous avez pu sans doute le voir, parce que le contrôle de l'électronique se fait assez simplement, il se fait avec la caméra du laptop, avec finalement le degré de luminosité. Donc premier extrait. Là par exemple, je pense que là on avait même une idée. Et ça c'était de vraiment, je vois dans son geste, c'est de... à suivre le crescendo de l'électronique. Donc, même le geste lui-même était plus lent, par rapport à tous ces autres gestes, c'était plus lent, se suivait, après c'était plus fluide. Je pense que, je sais pas, j'ai l'impression qu'on partageait cette idée, l'idée que ça doit être totalement fluide, un geste, le geste, ou soit deux, mais qui étaient liés, vraiment, qu'il y avait une connexion pour que, justement, qu'on a arrive à cet accord. Ce qui est... Ok. Premier extrait sur la convergence ici. Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est qu'on voit l'utilisation du geste par Chris Ibrahim pour compléter les verbalisations, enfin, pour compléter ou fournir d'autres informations. Deuxième extrait. Et donc tu sais, je sais logiquement que c'est à cause de du montant de lumière, ouais. Mais c'était plus, pour moi, c'était plus dans le geste et vraiment la sensation que j'ai pris mes décisions. Est-ce que ça fait sens? Ok. Je comprends ça. Ouais. Mais on se rejoint là-dessus parce que, comme je te disais avant, j'essayais toujours, même si je connaissais, de savoir, ok, je fais ça, c'est le moins douleur, mais c'est mon oreille qui guide à la fin. Hein. Mais je pense que avec ces pièces. Donc, cet extrait, conceptuellement, je le trouve très intéressant parce que ce passage sur la relation entre geste, implémentation, électronique, Chrissy explique bien la démarche empirique qui prime. On a le et donc je sais logiquement. Et Joao lui nous dit lui même si je connaissais. Mais c'est mon oreille qui guidait à la fin. On a un renversement complet qu'on retrouve dans le discours, dans le rapport théorie pratique du contrôle. Je vais passer un dernier extrait pour le geste. Extrait 15. Donc j'ai vraiment pris le temps. Je trouve que pour moi, si j'avais besoin d'utiliser un adjectif, la forme de mon interprétation, c'est vraiment rond. Et donc, tous les moments d'improvisation, tous les départs, tous les gestes, les longueurs sont vraiment ronds, ou ces deux mouvements sont plus ad hoc, plus. Mais je dis agressif, mais dans un sens qualitatif. Wow. Merci. Ça fait qu'il y avait des... Donc, cet extrait, je l'ai choisi pour deux ou trois raisons. D'abord, on entend bien que le français, ce n'est pas la langue maternelle ni de Chrissy ni de Joan. Je reviendrai un peu sur ces limitations. Deuxièmement, parce qu'ici, on a un exemple de différence ici qui est important, qui revient dans tout leur discours sur l'entrevue et qui se traduit par un qualificatif rapporté à l'interprétation en général, ce qui est assez fort. Et puis aussi pour le lexique, parce que je précise qu'il n'y a pas eu de question de style, si vous deviez qualifier votre interprétation comme ça, c'est une qualification qui est arrivée spontanément. Et donc ce qui est aussi intéressant, c'est cette utilisation de rond, qui est aussi un terme assez classique dans la verbalisation du timbre, qu'on pense notamment aux travaux de Pascal Cheminet sur le timbre du piano, qui classait rond, si je me souviens, dans les évaluatifs axiologiques, alors que là, il est plutôt non axiologique. Mais bien sûr, rond n'étant pas spécifiquement lié au niveau sensoriel à l'audition, il y a aussi un sens au niveau gestuel. Et bon, tout ça, c'était juste un aperçu. Il y a beaucoup d'autres choses dans les stratégies de verbalisation, l'utilisation du geste avec imitation, etc. Je vais vous montrer quand même un extrait de l'autre, des entrevues avec, pour l'autre pièce, celle de Analia Choukdar et Cédric Camier, avec Marie-Chantal Leclerc et Jean-Marc Bouchard, tous deux membres du quatuor de saxophone Quasar, qui est assez intéressante, qui nous montre différence de stratégie dans l'appropriation entre les deux instrumentistes. Toi, t'essayais-tu de la garder bien stable, la sourdine? Tu vois ce que je veux dire? Non. Admettons que t'es sorti à moitié, là, tu fais attention pour pas bouger, pour que... Oui, j'essayais de respecter ce qui était écrit là. Ok, mais de pas trop bouger sans faire exprès de la garder. Est-ce que t'avais l'impression que si tu restais immobile, il y a quelque chose qui... ça avait un impact sur le. Ah, ça, je me suis dit, quelque chose, si je restais immobile, tu veux dire, s'il y avait un traitement qui était statique, ça, j'ai pas mon questionnement sur ce point-là. Okay. Mais je me souviens que j'essayais, je regardais la boîte noire, quand je la voyais éclairée, j'essayais de garder la même intensité. Ça, j'ai travaillé là-dessus autant que possible. En fait, le dispositif, ce qu'on voit au fond, c'est la sourdine lumineuse, en fait, qui, quand elle était sortie du saxophone, envoyait un signal lumineux sur un capteur qui était situé sur leur gauche. Passons maintenant à l'autre. L'autre série de tâches qui était orientée autour du timbre. Là, je vais passer des entrevues avec Daniel, Agnès Garcia et Romain Paulet pour l'interprétation de la pièce d'Emmanuel Fier. La tâche était donc de décrire la relation du jeu instrumental électronique en matière de timbre spécifiquement. C'est très différent entre parce que toujours la section du flanger, mm-hmm. très clean. Oui, oui. Puis l'effet, c'est assez intéressant. C'est comme très subtil. C'est très différent. Au niveau de la pédale Au niveau de ce qu'on entendait mm-hmm. du flanger, parce que le flanger va réagir mm-hmm. par rapport à combien de résonances il y a à l'intérieur. Mm-hmm. Puis cette section dit poco pédale. Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire poco? Moi j'ai mis peu, mais moi j'ai mis peu à ma façon, puis toi t'as mis peu à ta façon, puis ça donnait des résultats. Oui, c'est ça, mais peu. Ah ouais. Oui, puis ça fait des effets très différents. J'ai trouvé ça assez intéressant, la couleur que ça donnait comme ça. Alors ici, sur les différences, et aussi intéressant déjà les modes d'expression avec l'utilisation plus des verbalisations du geste et de l'imitation vocale du son électronique. Daniel va beaucoup utiliser le geste, notamment pour décrire la sensation de contrôle. On est un peu dans le cas inverse hein, par rapport au discours de Chrisit tout à l'heure. Et ce n'est pas une surprise, hein, les relations entre timbre et geste ont été étudiées depuis longtemps. Je faisais référence tout à l'heure à Maryse Lavoie qui a travaillé là-dessus notamment. Je vais passer un autre extrait des entrevues. Je trouvais ça plus limitant. Même cette partie-là, on n'a aucun contrôle avec la résultante sonore. Alors que là, on en a vraiment beaucoup. Ben, c'est ce que tu disais quand ouais. tu Mais c'est que c'est quand même assez difficile cette affaire-là après. Le seul contrôle qu'on avait, c'était sur les nuances qu'on faisait dans les punchs. Alors que là, au niveau des notes, du lyrisme et du timbre qui sort, on avait beaucoup plus de contrôle. Vu que, comme tu disais, c'était en temps réel. Et je trouvais ça assez intéressant de pouvoir faire ça, de pouvoir prendre ce temps-là, comparé au début. Ouais. Mais moi, j'ai sorti quand même aussi un peu de profit dans le début. Ouais. Puis ce que je disais, c'était dans la mesure où nous, on recevait cette reverb, mm-hmm. cette résonance. Dans la mesure où elle était plus lointaine, mm-hmm. On avait moins de façons d'interagir. C'est ça, c'est que là, on est moins acteur de la création du son. Oui, ici, disons, on jette des pierres dans l'eau. C'est ça. Puis on crée des petits dessins avec les vagues qu'on fait. Alors qu'ici, on donne une métaphore. Et si on vraiment modèle ouais, la parole de votre ouais. Ouais. Ouais. Alors qu'ici, Donc on continue dans la diversité des registres descriptifs avec les métaphores. C'est intéressant parce que aussi les deux interprètes se connaissent beaucoup moins que dans les cas précédents et les stratégies de description sont très différentes, elles sont aussi très variées, ce qui est assez parlant sur le statut de l'objet de discours. On va continuer à travers quelques exemples sur ces stratégies de description. C'est vrai que c'est vraiment différent. Ouais. Les deux sont énormément différents. Ouais. Mais toi, t'as créé plus une accumulation, en fait, ouais, à travers tout ça. Mmh. Moi, c'est vrai que c'est complètement sec. Mais ça fait une distorsion assez subtile. J'aime bien. Ouais, ouais, ouais. Là, si on entend... Là, c'est plus accumulé. Oui, c'est accumulé. On entend beaucoup. Ouais. Parce qu'en plus, il y a un... Ah non, il n'y a pas de delay, là. Mais... Donc on voit par exemple, Romain utilise plus justement du lexique du timbre. Il va utiliser clair, là il a parlé de sec, et on va arriver sur l'exemple prochain le fameux métallique. Je contrôle vraiment. Moi je trouvais intéressant de faire sortir le côté métallique du piano. Qu'on essaye de gommer, mmh, vraiment d'effacer le plus possible, puis là ça fait ressortir ça. Tu sais où? Donc là où Daniel va utiliser des métaphores hyper complexes par la suite, ou des comparaisons avec des instruments électroniques comme synthétiseurs, ou des comparaisons de timbres avec d'autres instruments acoustiques, Romain, lui, choisit une autre stratégie. Et il y a aussi beaucoup de questionnements pendant les entrevues sur la notion d'instrument augmenté. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que justement, comme on l'a vu dans l'extrait, c'est qu'elles sont variables au sein de l'œuvre. Le statut de l'instrument change en fonction du degré de fusion ressenti par l'interprète. Ce qui nous ramène à cette citation de Caroline Kanz. Si un instrument est bien une construction matérielle technologique que l'on peut et doit tenter de cerner, le concept désigné par le mot instrument inclut aussi le statut accordé à un outil dans le cadre historique, culturel, social et inscrit dans des pratiques musicales. Effectivement, à travers la question du geste et du timbre, dans ma recherche, il y a ce questionnement aussi sur qu'est-ce que l'instrument augmenté. Donc, passons à la partie plus en cours de mise en place. Au niveau analyse, maintenant, qui commencera bientôt, mais qui requiert encore de ma part des éléments de littérature importants, le but premier est de développer autour de l'analyse de discours, l'analyse conversationnelle, dans la lignée des travaux de Brassac et Grégory, qui ont fait ce type d'analyse sur un matériel récolté dans la lignée des méthodes de psychologie du travail dont on vient de parler, mais aussi travaux de Dubosc et Clos, notamment. Mais je m'intéresse aussi énormément au type d'analyse qu'a pu faire Caroline dans des contextes très différents de recherche, à travers d'analyse lexicale, morphosyntaxie, et son travail spécifiquement sur les nouveaux instruments numériques, qui est particulièrement intéressant pour moi, parce que, comme je disais, on a des problématiques qui convergent quelque peu. Ce qui est intéressant, je pense, dans la musique mixte, qui fait aussi sa spécificité, et qui en fait un objet de recherche un peu à part aussi, c'est cette combinaison entre une pratique établie avec une tradition forte et cette idiosyncrasie assez énorme de l'instrument électronique. Alors, par rapport aux limitations, effectivement, on a ce problème de la langue maternelle, mais il faut bien rappeler que aussi c'est un contexte écologique, en ce sens que c'est un domaine d'activité internationale où la langue de travail n'est pas forcément la langue maternelle, ce qui n'empêche pas de développer une expertise au niveau lexique et pratique langagière, pour reprendre des expressions de ce midi. Mais donc, pour finir à boucle, j'aimerais revenir au cadre général qui est celui des sciences de l'information, pour moi, et spécifiquement à travers les domaines de recherche qu'on appelle dans le monde anglo-saxon « digital preservation and digital curation ». Je me suis intéressé aux moyens de mettre en lien ces deux domaines, la digital curation et en tant on peut dire une extension de digital preservation qui s'intéresse au cycle de vie des objets numériques. Donc ça c'est un modèle que j'ai développé un peu qui vient d'être publié dans la revue Archival Science dans un numéro spécial digital curation justement. Donc je ne vais pas décrire le modèle, ce n'est pas le but ici. C'était l'idée de la nécessité de développer un modèle basé sur une méthode mixte, avec des choses très quantitatives, des choses très qualitatives, comme on l'a vu. Ça vous permet d'articuler d'un côté les modèles basés sur la représentation comme l'OIS et son concept de Representation Information, basé lui-même, comme je disais, sur cette hiérarchie Data Information Knowledge, qui a été assez critiquée académiquement d'un point de vue épistémologique. Et d'un autre côté, les approches comme Lorino, Tricard et Clos le proposaient, passant de la complexité de l'objet de recherche à la complexité des processus d'enquête, et se détache explicitement des approches représentationnelles. Donc chaque partie du modèle était soutenue par une étude publiée dans différents journaux en fonction des domaines visés. Ce qu'on peut dire par rapport au projet que je viens de présenter, c'est que, par exemple, le dernier projet de post-doctorat était spécifiquement quelque chose qui se reliait à ce premier niveau, alors que le projet DeepCore, lui, articulait niveau 1 et 2 et des éléments du niveau 4 avec les standards de métadonnées type Premis. Donc, un des intérêts de cette approche pragmatique était de permettre de faire le lien entre les modèles de préservation tels que l'OIS et un modèle de conservation tel que le DCC Curation Life Cycle, figuré en bleu ici, et de penser les stratégies de conservation et de préservation en même temps de façon horizontale et verticale, d'identifier les risques et de mettre en place des stratégies adéquates. Ce qui nous amène au projet futur. Ce sur quoi je travaille notamment, c'est à monter des projets qui capitalisent sur ces recherches et d'autres précédentes mais liées auxquelles j'ai fait référence dans ce modèle. Mais pour réaliser ça, si vous vous souvenez de mes schémas du début sur les questions d'intelligibilité, dissémination et gestion, on a besoin d'engager un peu tous les acteurs participants. Et donc pour ça, déjà, on peut se référer au travail de thèse de Sébastien Barwek à l'université de Huddersfield, qui a fait un impressionnant boulot d'enquête auprès des milieux professionnels de la musique mixte. Donc, au-delà des acteurs de la production qu'on a pu voir dans le cadre du projet DeepCore, c'est-à-dire compositeur, interprète, réalisateur en informatique musicale, ingénieur son, ce sont aussi les éditeurs et les institutions culturelles. Et donc, ce dont ne parle pas Berwick, c'est aussi cette question des dépôts numériques, qui sont en dehors, clairement, des compétences des éditeurs. Et là-dessus, moi, je vois un fort potentiel pour commencer au niveau des dépôts numériques universitaires, pour la simple raison qu'il me semble que ça fait partie de leur mandat à partir du moment où ils ont, en tout cas en Amérique du Nord, où ils ont un cursus de musique mixte ou d'électroacoustique. Et l'avantage étant que ces dépôts numériques ont déjà une structure compatible avec des normes comme l'OIS. Par exemple, le dépôt numérique de l'Université de Montréal est bâti sur DSpace, qui est lui-même basé sur des principes du modèle OIS, même s'il n'est pas, je pense qu'il n'est pas compatible vraiment. Donc ça, c'est un type de projet qu'on est en train de monter avec un laboratoire de la faculté de musique de l'Université de Montréal, le LITEM, avec Caroline Traube et Pierre Michaud. Et en capitalisant ce qui a été fait pendant ces deux projets dont je viens de parler. Et donc on monte des contacts, on est en contact avec des institutions culturelles comme le Centre de la musique canadienne, avec des organisations universitaires comme l'Observatoire interdisciplinaire de création et de recherche en musique, pour essayer de monter des partenariats et donc intégrer ces différents niveaux de gestion de la préservation, avec d'un côté ce que peuvent nous apporter des approches réalistes principalement fondées sur cette idée de document comme preuve. Et de cette, si on reprend l'argumentation de Hénion, de la transmission par les choses, et de l'autre, les problématiques de transmission des connaissances musicales et de co-construction du sens entre les acteurs du domaine, centrées autour de cette approche du document comme médiation et de la transmission par la pratique. Donc voilà, je vous avais mis quelques références pour les slides. Et je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci beaucoup, Guillaume, pour cette présentation très riche. Enfin, moi, je suis personnellement, c'est moi qui étais invitée donc, et qui connaissais un peu tes travaux, donc évidemment, je savais un petit peu de quoi tu allais parler, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'à la fois, et c'était une des volontés quand on avait discuté un peu des personnes qu'on voulait faire intervenir cette année dans le séminaire, à la fois on est dans le cadre d'une utilisation et d'une mise en perspective du document sonore et au-delà du document audiovisuel, mais qui est pas du tout, qui se situe pas en sciences du langage, qui se situe pas non plus dans ce qu'on a pu voir jusqu'ici dans le cadre du séminaire, dans d'autres domaines qui s'intéressent aux documents sonores. Et qui touche à la fois aux sciences de l'information, à la musicologie, à l'analyse de l'activité, donc avec des problématiques qui viennent aussi de la psychologie du travail, etc. Donc, c'est vrai que je trouve ça particulièrement intéressant. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions dans la salle, avant que moi j'en pose. Juste une question par rapport à ton travail. Est-ce que tu connais des choses qui se font dans le domaine du design sonore? On se demande pourquoi tu poses la question. Il y a un problème de la documentation et d'organisation et puis du suivi du travail du designer sonore. Ouais, ça il faudrait voir en ergonomie. Je me demande si Thoreau n'a pas bossé sur des trucs comme ça d'ailleurs. A priori, moi, je peux pas te dire quoi. Ouais, je ne connais pas de travaux qui pourraient être faits là-dedans. Mais oui, on peut monter un projet ensemble si tu veux. Voilà. Non, mais c'est vraiment une question, je pense. C'est important pour l'avenir. Moi, je poserais une question. Question en dehors, vache. Non. Et après, j'ai des questions, je ne sais pas si pour maintenant ou peut-être on pourra en discuter ensemble après. Mais là, j'ai une question vraiment sur un domaine que je ne connais pas mais qui me semble important dans ce que tu as présenté. C'est j'ai besoin, moi, parce que je ne connais pas ces perspectives-là, de m'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner concrètement la démarche que tu as présentée, par exemple, si on prend une des œuvres sur lesquelles tu as travaillé, où il y a eu une production de différents types de documents, tu nous as montré que c'était des documents justement comme documents sonores comme médiation, comme preuve, etc. Qu'est-ce que ça pourrait donner si on imaginait un dépôt à un moment de documentation autour d'une œuvre avec cette perspective de que ce soit pas seulement une trace de ce qui a existé, mais que ça puisse être réutilisable par la suite. Comment on envisage ça? Tu as parlé de DVD ou... L'histoire du DVD, c'est vraiment une étape. Hein. C'était une première mise en place. Mm-hmm. C'est justement pour aller vers ces systèmes plus complexes autour des dépôts numériques qu'on travaille. Et pour arriver à ta question... Je pense que effectivement, c'est pour ça que l'intégration des éditeurs aussi dans la boucle est importante. Parce que c'est essayer de bosser avec eux pour leur fournir une expertise qu'ils n'ont pas, qui est vraiment sur la préservation des objets numériques, leur documentation, etc. Et de leur faciliter quelque part le travail, mais d'avoir un rapport un peu donnant-donnant, qu'eux aussi fassent un travail, puissent déjà peut-être, à la rigueur, financer un peu juste... histoire d'espace disque, des choses comme ça qui coûtent rien quoi, mais qui peuvent faire au moins faire un partenariat quoi. Donc il y a ça dans l'aspect pratique. Dans l'aspect plus théorique, comme je disais, il y a que la mise en place, par exemple, si on fait référence à la deuxième étude de ce type de méthodo, la mise en place au sein de dispositifs de dissémination et de préservation et tout comme ça, est encore une question à poser, quoi. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir à comment le faire de façon adéquate. Parce qu'effectivement, et je pense qu'il y a beaucoup de choses dans les nouvelles technologies hein, qui nous amènent à pouvoir penser à des outils intéressants là-dessus, mais c'est pouvoir vraiment faire un échange entre d'une performance à l'autre, par exemple, sur les différences d'interprétation et d'appropriation de l'électronique, enfin surtout sur cette question de l'appropriation de l'électronique, quoi. Et donc là, effectivement, là on peut dire qu'on est dans un setup qui n'est pas intuitif aussi. On a deux instrumentistes qui jouent la même œuvre et qui peuvent dialoguer entre eux. Comment on peut mettre en place des outils qui nous permettent d'arriver à des choses comme ça, mais sur du longitudinal, quoi. Et ça m'amène à une interrogation. Comment les interprètes réagissent à ce type de problématiques, enfin, quand tu arrives avec, ouais, avec cette proposition-là, bon, j'imagine que ils sont volontaires, donc ils sont contents de voir participer à ce genre d'études, mais qu'est-ce que ça a comme impact aussi, ou est-ce que ça vient d'une demande de leur part de documentation, enfin, comment ils reçoivent Ça, je ne peux pas dire que ça vient d'une demande de leur part. C'est quand même... c'est comme moi qui suis à l'initiative de la chose. Ce n'est pas des choses forcément auxquelles ils auraient pensé eux-mêmes. En fait, moi, je suis assez content parce que, de toute façon, toutes mes recherches récemment s'orientent de plus en plus sur des choses où je sais que... Enfin, ce qui m'importe, c'est que les participants se sentent impliqués et trouvent un intérêt comme ça. Et je suis super content, par exemple, par rapport à cette dernière étude, parce que à chaque fin de séance, les instrumentistes, on sentait vraiment qu'ils avaient déjà appris quelque chose sur eux-mêmes. Ce n'était pas un exercice auquel ils étaient habitués, mais auquel ils trouvaient un intérêt vraiment important et qui m'ont dit, pour certains, me l'ont dit explicitement. Donc, ce qui, pour moi, enfin, est quand même un point assez positif en me disant que ça va dans une bonne direction. Si ça a un intérêt pour les acteurs eux-mêmes, c'est que on n'est pas non plus dans le fantasme total. Oui, tu as mis l'accent sur essentiellement l'instrument, l'instrumentalité, le geste. Mais moi, ça m'interroge aussi sur comment ce type de musique que tu appelles mixte fait bouger le concept même de musique. En même temps, c'est pas tout nouveau, la musique mixte, non plus. Non, c'est pas tout nouveau, mais justement, parlant du pas nouveau, il y a une étape entre ce que j'ai compris de ce qu'est la musique mixte et la musique traditionnelle, instrumentale, classique, qui est quand même tous les travaux d'électroacoustique. Pas électronique, mais électroacoustique, oui, avec toutes les recherches de l'ORTF et compagnie, qui elles aussi ont fait bouger, pour rejoindre la question du design sonore, comment créer de la musique à partir du bruit, et comment aussi, sur le versant notation, transmettre toutes ces innovations, toutes ces productions musicales. Oui, donc. Ce que tu veux dire, c'est que je devrais que nécessairement les systèmes. De dire, tu devrais. Bon. Mais je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes à partir du moment où la musique a été électro-acoustique. Il y a eu toutes des réflexions sur déjà tout ce que tu poses aussi comme question, pas dans la conservation, mais dans la production, dans le traduire des gestes. Dans l'analyse, oui. Bah, et dans la notation. Oui, pas que les critères schéfferiens, je suis d'accord. Oui, c'est ça, c'est que pour moi, on arrive dans des questions de musicologie, qui ne sont pas forcément les miennes. Moi, je m'intéresse à l'activité telle qu'elle est pratiquée par des experts, et que c'est en documentant cette activité que j'essaie de transmettre une certaine intelligibilité. Le but étant pas de proposer des critères d'analyse des œuvres non plus. Et il n'empêche que là, t'as une rupture qui touche pas seulement l'acoustique, qui touche aussi le visuel, qui est la rupture entre l'analogique et le numérique. Oui. Alors moi, pour moi, c'est pas de l'augmenter, c'est plutôt du réduire. Mais ça, on peut en discuter, oui. Parce que justement, comment l'analogique peut retranscrire, en particulier si tu te situes du point de vue de l'action, tout le caractère analogique de la production du son en liaison avec le geste. Parce que le geste, il n'est pas numérique, il est... Non, non, bien sûr, mais si on... si on parle des cas, justement, c'est pour un exemple pratique, la migration pour la pièce de Stockhausen, comme ça, ben, de toute façon, ce à quoi ça nous ramène, c'est cette question de la trahison vivante que nous amène Aignon. Donc, si par l'attentant critère de qualité quelque part, je voudrais pas sortir le même argument, mais c'est pas au niveau préservation des objets numériques que tu vas justifier la trahison. Donc trahison il y aura. Ce que je veux, c'est qu'elle soit en connaissance de cause. Est-ce que ça, j'ai dévié de ta question un peu? Non, mais Tu peux dire. Non, mais si je comprends bien la question, j'ai pas à la résoudre. Oui. Mais si j'ai pas compris la question, peut-être que j'ai à la résoudre. Hein. Il faut que la trahison soit documentée aussi. En fait, c'est tout le problème. Oui, oui. C'est justement ce qui se passe là. Si on réussit à mettre en place des systèmes comme ça, documentation. On pourra dire, ah oui, machin, il a fait n'importe quoi. Non, il a fait ce qu'il pouvait faire à un moment donné. Oui. Et comment ça se passe, par exemple, aux archives, donc à la BNF, est-ce que vous avez des documents, des archives d'œuvres, je pense qu'on avait parlé à un moment des œuvres de Xenakis. Oui, merci. Moi, les secrets olympiques et autres, c'est à la fois, même plus que comment les produire, c'est comment éventuellement on peut les rejoindre. Oui, c'est ça. Quoi, c'est aussi la question, parce que tout à l'heure, quand il y avait les patchs, on avait les patchs, mais ce patch, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on l'aura certes documenté, mais ça va être possible tout à l'heure, mais après, une institution de conservation, elle supposait aussi pouvoir communiquer à son public, en tous les cas, avec probablement des trahisons, on accepte si elles sont documentées et établies, mais quand même. Quel est l'avenir de ces œuvres? Non, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à ce projet, le premier DeepCore, cette question de la dissémination a été importante, parce que c'est effectivement par le fait que les œuvres soient jouées, rejouées, modifiées, etc., qu'on peut préserver le système qui a été avancé il y a déjà pas mal de temps, du stockage figé pour des œuvres technologiques avec une forte composante technologique comme ça, pose des problèmes énormes. Donc c'est favoriser la dissémination avec une documentation adéquate pour aller vers une préservation. Non, ça n'a pas l'air convaincu. Si, mais c'est pas nouveau. C'est posé déjà... avec les enregistrements, en passant de la cire au vinyle, hein. Au lame, comment ça s'appelle, Jean-Marc Fontaine, qui a travaillé sur la conservation des enregistrements de cire, et des trahisons déjà nombreuses ouais. faites en remasterisant ces enregistrements. Ouais. Oui, mais qui passent sur, finalement sur une comparaison quantitative. C'est-à-dire on a une source, on la compare à ce qu'on avait avant, et on en déduit s'il y a trahison ou pas. Non, parce que enfin, je sais pas, je fais référence au travail de Séverine Morange, qui a étudié les analyses de 13 ou 12 remastering de Caruso. D'accord. Et la notion de trahison est relative, puisque il y avait des. Elle a comparé les évaluations de ces 12 remasterisations avec des vieux et des jeunes. D'accord, ok. Et des personnes qui étaient vraiment des connaisseurs. Ok. Sur l'expertise. Et les jeunes préféraient les remasterings nettoyés avec des. Oui, oui. Et puis les vieux, ils préféraient continuer à entendre les crachouillis des enregistrements anciens. Donc ça veut dire quoi, trahison? C'est violer le duc et Carcassonne. Oui, bien sûr. C'est Michel-Ange et tu le rabis ou tu te habilles les gens. Bien sûr. Ouais. En fait, quand même, la différence que je vois par rapport à ces situations, c'est que là, je reste dans le domaine d'une pratique experte qui est de production. Voilà. Oui, tout à fait, clairement. Tandis que là, c'est de la diffusion. Oui. Mais ça fait une différence quand même assez énorme. Derrière. On sort la guillotine. C'est un peu la même chose. On pourra enlever ça de l'enregistrement sonore. Et moi, j'ai une autre question, pas du tout guillotine, mais très pratique. Mais comment tu t'y es pris ? Pour choisir, parce que quand tu parlais, tu as distingué différents types de cadres. Donc il y avait le cadre, j'ai pas retenu le premier, cadre du chercheur, cadre des traces et cadre de l'expertise. Oui. Pourquoi j'ai choisi par rapport aux sciences de l'information. Mais en même temps, tu joues avec les différents niveaux, nécessairement. Ouais, oui. Pas aux différents plans, je sais pas comment on peut les appeler, cadres. Et comment. Enfin, quels ont été tes choix méthodologiques pour construire tes traces, enfin, tu vois, en termes de vidéos Excuse-moi, j'ai été distrait. Comment je fais pour choisir mon cadre méthodologique ou... Non, enfin, dans le cadre méthodologique, ouais. qu'est-ce qui guide ta manière de construire tes documents, c'est-à-dire, parce que mine de rien, ta manière de filmer, oui, qui d'ailleurs vous trouvez bonne qualité, enfin vraiment... C'est pas moi qui ai filmé. Il y avait vraiment tout un suivi au fur et à mesure du discours. On avait des plans plus serrés, plus larges, etc. Oui, c'est parce que on avait une vidéaste pour le projet. Okay. Quoi. Je sais que moi j'ai essayé de faire des choses comme ça, dans le cadre du postdoc auquel tu as fait référence, sauf que moi j'étais pas du tout vidéaste, que je faisais un peu tout en même temps et que ça marche pas justement. Enfin, il faut aussi avoir un souci en termes de qualité et de cadre, là pour le coup, de cadrage en termes notamment là, de documents audiovisuels. Parce que sinon, Tu construis aussi ça de toute manière. Donc on est toujours. Enfin, c'est pour ça, c'était aussi une remarque sur le fait que tu distinguais ces trois cadres et qu'en même temps, je me disais, tu es forcément toujours dans le cadre du cadre. Dans le cadre des traces, parce que tu as justement la manière dont tu construis ces traces et que le chercheur, il est toujours là. Pas le chercheur et la vidéaste et le l'ingénieur qui enregistre. Mais en tout cas, on s'est imbriqué ces trois points. Ouais, et qui, sur le côté pratique de la réponse, c'était qu'on était aussi dans le cadre d'un projet qui est aussi à travers le travail d'un ensemble de percussions, etc. Mmh. Et qu'il y a aussi un aspect esthétique qui est important dans, dans la captation des traces, quoi. Donc voilà, c'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours montré un plan, mais on avait un contre-champ, quoi. Mm-hmm. En fait, ce que je voulais, c'est pouvoir capter ce qui était par rapport aux documents présentés et en même temps pouvoir capter ce qui était en rapport aux participants de la chose, quoi. Donc c'était les partis pris étaient quand même à la base d'essayer d'avoir le maximum de surface couverte, quoi. Oui, sans compter que c'est pas ton, sans doute pas ton problème, mais moi je me suis posé des tas de questions sur les traces sonores, c'est-à-dire la qualité des enregistrements sonores, en particulier quand à un moment il y avait, je ne sais plus quel compositeur qui mettait l'accent sur la spatialisation du son et comment récupérer des traces qui tiennent compte de manière exacte de ces aspects de spatialisation. Ouais. Ça, c'est, en acoustique j'y connais pas grand chose, mais ça me semble Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, ça fait partie un peu des projets un peu en suspens avec Catherine au Kermit. On espère bien reprendre un de ces quatre, et où moi, j'espère bien pouvoir participer du côté préservation, parce que ça m'intéresse. Ce qu'il faut voir, d'ailleurs, par rapport à ça, c'est que le projet de postdoc, c'était explicitement en stéréo. On avait demandé que les œuvres soient en stéréo, justement pour ne pas avoir à se confronter à cette problématique pour la restitution pendant les entrevues. Mais bon. Mais Catherine est bien placée pour savoir que c'est un problème. Oui, mais ça c'est évident. Après, pas par rapport à la spatialisation, mais par rapport à la qualité des enregistrements. C'est pareil, même si là vous ne l'avez pas eu forcément, parce que vous n'aviez pas forcément le bon son par rapport aux enregistrements, mais il y avait tout le temps un ingénieur son pour faire le contrôle qualité de la captation. C'est l'avantage d'avoir un centre de recherche bien équipé en gens et en matériel. On est bon ? S'il n'y a pas d'autres questions, encore, je vous remercie encore pour cette présentation. Merci à vous.